puis 3 mois en chuté. Je rentre chaque soir affecté, cher, peut te plaire. Ramasser tôt la journée, je suis tellement fatiguée. Je dois éviter de croiser le regard de tous ces hommes qui travaillent parmi les femmes. Soin de toi, rester toujours près de toi. Noémie, mon amie, ce soir encore. Aujourd'hui, nous avons un toit et à boire. Sûrement, c'est ton Dieu qui pourvoit. Malgré les épreuves de la vie, nous ne mourrons pas de faim. Et ce soir, nous mangerons de notre pain. Des mots flatteurs à mon sujet sont venus aux oreilles de Bose. Il n'est pas ton proche parent, mais il se montre bienveillant. Nous suivrons ton idée. Je lui parlerai de mariage. Et peut-être rendra-t-il nos fardeaux plus légers. Je veux prendre soin de toi, rester toujours près de toi. Noémie, mon amie, et à boire. Sûrement c'est ton Dieu qui pourvoit. Malgré les épreuves de la vie, nous ne mourrons pas de faim. Et ce soir, nous mangerons de notre pain. Ta confiance en ce grand Dieu nous a redonné une famille. Vois mon fils bien-aimé, tu m'as accepté comme je suis. La communauté me félicite. Quelque chose me dit